Radio Mont-Blanc, l'agenda. Radio Mont-Blanc est partenaire du Rugby Club Faucigny Mont-Blanc et on vous encourage à aller soutenir le RCFM pour son premier match à domicile de la saison. Les équipes seniors masculines vont affronter le RC Matézin pour la deuxième journée de championnat. Rendez-vous au stade de Cayenne à Sallanches, coup d'envoi à 13h15 ce dimanche et à 15h pour l'autre rencontre. Les Virades de l'Espoir sont organisées en de nombreux endroits et notamment ce dimanche à Albertville, un événement organisé au profit de vaincre la mucoviscidose. Rendez-vous au Parc Olympique Henri Dujol de 10 à 18h avec parcours pédestre, vide-grenier, concours de pétanque en doublette, présence de châteaux gonflables. Vous pourrez assister à des démonstrations, à des initiations sportives et à des concerts. Il y aura buvette et restauration. C'est à Albertville aussi. Virade de l'Espoir ce dimanche.